La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie d'un grand auteur, en l'occurrence de Julien Gracq, dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Laurane Travaglichanal et Dali Yara. Il ne passait pas à la télévision, se rendait rarement dans les studios de radio et sa discrétion en était devenue légendaire. Cela ne l'a pas empêché, bien au contraire, de rassembler autour de son œuvre un groupe de lecteurs passionnés, une assez large secte pour qui le style et l'univers poétique de l'auteur du Rivage des Sirtes restent à jamais incomparables. Nous en recevrons quelques-uns de ses admirateurs justement d'ici à jeudi prochain. Demain, par exemple, c'est le professeur Michel Murat qui nous proposera un parcours dans l'œuvre. Mercredi, nous parlerons d'un écrivain de l'œil et de son lien avec la géographie. Ce sera avec Jean-Louis Tissier, puis avec Bernard Vouilloux. Jeudi, enfin, nous diffuserons la table ronde hommage, organisée par Régis Debray et Jean-Yves Chevalier au lycée Henri IV. C'était en décembre dernier, à l'occasion des 10 ans de la disparition de Julien Gracq. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre traditionnelle émission biographique du lundi, je reçois Philippe Le Guillou, auteur de Julien Gracq, Fragment d'un visage scriptural, publié à la Table Ronde en 1991, et plus récemment de Géographie de la mémoire chez Folio en 2017, ou encore du Déjeuner des bords de Loire, publié en 2002 au Mercure de France, où il racontait une visite faite à Julien Gracq dans son village de Saint-Florent-le-Vieil. Bonjour à tous, voici la compagnie des auteurs. Il y a évidemment, dans l'époque où nous sommes, il est bien évident que l'obsession de l'histoire, évidemment de la fatalité qui est enfermée dans l'histoire, est une chose qui pèse sur toute l'époque et sur toute la littérature de l'époque. Et cette obsession de l'histoire, tout le monde l'a bien entendu à l'époque, je l'ai bien entendu, il est impossible de s'en abstraire, mais je trouve alors qu'elle prend un caractère maintenant qui est tout de même un peu excessif. Il y a autre chose que l'histoire, il y a autre chose que l'homme pris dans le courant, dans le tissu des événements historiques. Il y a tout de même tout un autre aspect de l'homme qui, j'espère tout de même, n'est pas absent de mes livres. En tout cas, je voudrais qu'il ne soit pas absent de mes livres. C'est, si vous voulez, l'homme, les valeurs contemplatives. Il n'y a pas que l'histoire, disait en archive Julien Gracq, il y a aussi la contemplation, l'art pour l'art, la littérature pure, et c'est de cela dont nous allons parler également cette semaine. Bonjour à vous Philippe Le Guillou. Bonjour. La contemplation, est-ce que c'est cela qui a conduit Julien Gracq à retourner vivre dans son village natal de Saint-Florent-le-Vieil, dès qu'il a pu le faire, ce village où vous lui avez rendu visite très souvent? Oui, je suis allé un certain nombre de fois entre, je crois, 1992 et 2007, quelques mois encore avant sa disparition, je lui ai rendu visite. Je pense qu'il y avait, oui, deux choses. Il y avait le désir sans doute de retrouver les lieux de son enfance. Il est né à Saint-Florent-le-Vieil, il est revenu vivre ces dernières années à Saint-Florent en veillant sa vieille sœur âgée, Suzanne, qui était très, très importante pour lui, très présente dans sa vie. Et en même temps aussi de vivre sans doute dans le compagnonnage de ce fleuve. La maison de Saint-Florent donne encore sur la Loire. Il aimait beaucoup marcher au bord de la Loire, aller jusqu'à l'Èvre, qui est importante dans son univers et dans son œuvre aussi, puisque c'est la rivière que l'on retrouve dans les eaux étroites. Et je crois, oui, qu'il y avait cette dimension. Et l'extrait que vous citiez là est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, il y a l'histoire qui est très importante dans ses livres. On pense évidemment au Rivage des Sirtes, à un balcon en forêt. C'est pas tout à fait d'ailleurs la même histoire, c'est une histoire un peu symbolique que l'on a est onirique, que l'on a présente dans le Rivage des Sirtes, est une histoire très réelle que l'on trouve dans un balcon en forêt, puisque l'histoire de l'aspirant Grange, c'est celle de la drôle de guerre, et elle s'inspire un petit peu aussi de l'expérience personnelle, biographique de Louis Poirier, le véritable nom de Julien Gracq. Mais il y a aussi cette chose très importante de la contemplation, c'est ce qu'il appelle la plante humaine, c'est-à-dire replacer finalement l'homme, le personnage souvent dans ses livres, dans l'univers, regarder, observer, rêver en regardant les eaux de la Loire, en regardant les brumes, en s'immergeant dans ce paysage qui est un paysage tout à fait essentiel dans son univers. Donc il a passé beaucoup d'heures à contempler, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a écrit finalement que 15 livres. Il vous disait souvent, mais vous, Philippe Le Guillou, vous écrivez beaucoup, et en effet, vous avez écrit davantage que lui, vous avez écrit plus de 30 ouvrages. Qu'est-ce qui explique, selon vous, finalement, une certaine parcimonie chez Julien Gracq? Oui, une certaine parcimonie, je crois qu'il a beaucoup écrit, parce qu'il dorme dans les réserves de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu, beaucoup de pages des carnets qui ne sont pas encore consultables et qu'ils seront publiés peut-être un jour, dans quelques années. Mais effectivement, la fiction, à un certain moment, s'arrête chez lui, parce que après un balcon en forêt qui n'est pas une véritable fiction, et les trois récits de la presqu'île en 70, Le roi que fais-toi, il dit adieu, il congédie, là, il tourne le dos à la fiction pour pratiquer une autre forme d'écriture plus personnelle. Ce sont les fragments que l'on a finalement dans les trines, en lisant, en écrivant, les carnets du grand chemin. Oui, il est très... Les livres, finalement, il disait toujours qu'il fallait payer un livre en monnaie forte. Donc les livres sont rares. Il se passe pratiquement, je crois, 7 ans entre la publication du Rivage des Sirtes en 51 et celle d'Un balcon en forêt en 58. Donc il ne donne pas beaucoup de livres, mais ce sont des livres très réfléchi, très pesé, payé en monnaie forte, pour reprendre sa belle formule. Alors vous le décrivez comme un homme vif, un homme curieux, un homme infiniment aimable. Oui, ce qui pouvait d'ailleurs finalement, parce que moi j'ai longtemps échangé de la correspondance avec lui, et je le rêvais, ou je l'imaginais comme un personnage, un ermite, un peu inaccessible, loin, vous l'avez dit, du milieu littéraire, donnant peu d'interviews, n'apparaissant pas sur les plateaux de télévision, ayant une parole extrêmement... C'est ça qui vous a séduit peut-être aussi chez lui? Je suis d'abord séduit, je crois, par la lecture de son œuvre. Je crois que lorsque je suis adolescent et jeune lecteur, la lecture d'Au Château d'Argol et surtout d'Un beau ténébreux d'abord, ces deux lectures sont pour moi véritablement un choc, un éblouissement, hein, je le dis très, très sincèrement. Alors après, effectivement, il y avait cette distance, mais il n'était pas si distant et si secret qu'on le croyait. Il se tenait simplement un peu à l'écart, et il était d'une courtoisie parfaite, d'une attention sans faille, et en même temps d'une curiosité aussi très, très étonnante, même à son grand âge. Il savait à peu près tout, il lisait la presse, il se montrait très curieux de tout ce qui se passait. Il n'était pas aussi emmuré dans ses songes et dans une distance qu'on aurait pu le penser. Mais il n'avait pas non plus finalement, dans la conversation peut-être, l'acidité ou la causticité que l'on trouve parfois dans un certain nombre de ses textes, dans les lettrines, ou évidemment par exemple dans son pamphlet la littérature à l'estomac, où il dénonce le système de l'édition et tout particulièrement le système des prix littéraires, et où il se montre, selon sa formule là encore, un bretteur littéraire. Dans la conversation, c'était un homme au contraire extrêmement chaleureux, attentif, courtois et très très soucieux aussi de son interlocuteur ou des visiteurs qui venaient le voir à Saint-Florent. Donc vous avez rencontré Julien Gracq au lycée, à travers une phrase d'ailleurs. Oui, c'est l'exercice d'un commentaire composé quand j'étais en première. C'est un fragment d'un beau ténébreux qui est un tableau de la Bretagne, une évocation de la Bretagne, et un pâle soleil, un soleil réel s'est levé sur les crêtes des vagues, la Bretagne avec son corps de tristesse, enfin je cite de manière approximative, et ça avait été véritablement une émotion, un émerveillement, et je crois d'ailleurs que je n'avais pas fait l'exercice, j'avais choisi un autre sujet, mais j'étais très décidé à lire cet auteur, et je vais le découvrir quelques années après en allant acheter dans cette merveilleuse librairie annaise qui s'appelait Les Nourritures Terrestres ses livres chez José Corti, puisqu'à l'époque on ne les trouvait que chez José Corti, l'édition de la Pléiade n'existait pas encore et que l'on coupait en les lisant. Donc vous avez rencontré Louis Poirier après avoir rencontré Julien Gracq. C'est évidemment très important, cette différence entre Gracq et Poirier, parce que chez Gracq, tout est dans le nom, que ce soit le nom entendu au sens de titre de ses romans, mais aussi évidemment le choix de ce pseudonyme. Oui, C'est un pseudonyme qu'il prend. Alors on dit que Julien vient de Julien Sorel. C'était un hommage et une référence à cette grande lecture qu'il avait faite quand il était élève au lycée Clémenceau à Nantes, la découverte de Stendhal. À l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, le Roger Noir. Et Gracq, bon, évidemment, les Gracq, mais aussi peut-être simplement les sonorités. En tout cas, très certainement, la volonté aussi de faire un départ entre le personnage de la vie réelle, Louis Poirier, l'étudiant, le normalien, le géographe, le professeur d'histoire-géographie à Quimper, à Caen, au lycée Claude Bernard, et en même temps, évidemment, Julien Gracq, cet autre personnage, lui, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus secret, beaucoup plus insaisissable. Et vous avez rencontré lequel ? Écoutez, on rencontrait les deux. On rencontrait Louis Poirier dans sa retraite de Saint-Florent, mais évidemment, dès qu'il était question de José Corti, dès qu'il était question de la publication du Château d'Argol, dès qu'il était question de ce qu'il appelait encore, comme s'il en avait fait un syntagme, le prix Goncourt refusé, et il insistait toujours sur cette formule, on était à l'évidence en compagnie de Julien Gracq. Donc, les deux personnages étaient... Et du reste, moi, je ne l'ai jamais nommé, parce que je ne pouvais pas... Si je le nommais, je disais Monsieur Gracq, ce qui était un peu étrange, mais il n'était pas du tout, pour moi, ce n'était pas non plus à Monsieur Poirier que je rendais visite. Mon enfance a été une enfance campagnarde, tout à fait. Je suis né dans une petite ville de l'Ouest, au bord de la Loire, chose qui pour moi a de l'importance, car l'eau, enfin la fréquentation de l'eau qui m'a été familière de bonne heure, est une chose qui pour moi a été, je crois, assez importante, enfin d'un point de vue imaginatif. J'ai vécu là, mon Dieu, toutes mes premières années, jusqu'au moment où je suis entré au lycée. Ma maison est au bord de la Loire, enfin, juste au bord du fleuve, où j'avais sous les yeux constamment. Mes souvenirs, enfin, en dehors des souvenirs d'école que j'ai fréquentés très tôt, sont de, mon Dieu, oui, des promenades, enfin, des jeux avec des camarades là au bord de la Loire, fabriquant des radeaux, par exemple, sur lesquels on naviguait, enfin, d'une manière qui n'était... peut-être pas toujours sans danger. La compagnie des auteurs sur France Culture et Julien Gracq, interrogé en 1959 sur son enfance par José Pivin. Alors nous allons continuer à creuser la biographie de Julien Gracq avec vous, Philippe Le Guillou. Mais il faut peut-être dire avant cela, en préambule, que l'idée même de biographie, c'est assez compliqué avec Julien Gracq. Dans votre essai Julien Gracq, fragment d'un visage scriptural, vous dites même que ce mot vous laisse songeur, le mot de biographie. Pour quelle raison ? Pourquoi ne pourrait-on pas faire de biographie de cet homme-là ? Il avait un refus quand même de tout ce qui était biographie, inscription dans une histoire, tout en disant quand même que finalement on trouve trace dans son œuvre d'un certain nombre de jalons, d'un certain nombre d'éléments qui sont importants. Évidemment, Saint-Florent, le séjour à Quimper, la drôle de guerre, Paris, qui est aussi extrêmement présent dans les lettrines, par exemple, y compris la rue de Grenelle, son quartier, le quartier dans lequel il résidait avant de se retirer à Saint-Florent, comme on le disait. Mais il y avait la volonté de mettre un écran très, très opaque, très hermétique, entre finalement ce qu'il montrait, ce qu'il révélait, ce qu'il disait, et ce qui était... de son jardin secret, de son territoire privé. Pour quelle raison ? Vous lui avez demandé pourquoi ? Non, jamais. C'était quelque chose de, je crois, de son... Bon, inutile avec lui de penser aller explorer, alors je ne sais pas si c'est misérable, mais en tout cas le petit tas de secrets, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas dans la conversation. Il y avait des éléments de son existence qu'il rappelait, mais en même temps, ce qui comptait avant tout, et ce qui compte avant tout quand on le lit, évidemment, c'est l'enchaînement des livres. C'est ça qui compte, c'est l'enchaînement des livres de Julien Gracq. Louis Poirier, évidemment, à part les études, Nantes... Et les parents, quand même, peut-être un mot sur le père voyageur de commerce, qui avait sa propre mercerie, c'est ça ? Oui, le père, sa propre mercerie, l'inscription aussi dans le territoire des Mauges, juste à côté de Saint-Florent, la vie nomade, la vie voyageuse de son père. Gracq disait d'ailleurs que c'était peut-être cette vie voyageuse, d'ailleurs, qui avait épuisé le père, la mère qui était aussi au foyer, mais qui était une femme, je crois, très, très intelligente, ayant ayant d'ailleurs aussi de très bons résultats scolaires, et lui aussi enfant très précoce, très très doué, apprenant à lire, lisant à 5 ans, étant très et apprenant à lire dans une école tenue par des religieuses qui étaient tout près de la maison d'ailleurs dans laquelle je le voyais. Donc ce territoire assez limité finalement est extrêmement important dans son univers et dans son œuvre, parce qu'il y revient et on trouve dans beaucoup de ses livres la présence de ce territoire, de cette rue du Grenier à Sel, de Saint-Florent, de la abbatiale perchée, de l'Èvre, comme on disait tout à l'heure, des bords de Loire, des Épis levés, de l'île Batailleuse. Ce sont des lieux qui sont extrêmement présents dans son univers littéraire. Ces bords de Loire où il allait s'essayer à lancer un boomerang, parce que pour lui, un certain nombre d'objets sont quasiment magiques, et le boomerang qu'on lui a offert dans son enfance était un de ces objets magiques. C'est un objet magique, il raconte d'ailleurs les jeux avec le boomerang dans les latrines, et je crois que c'est qui, un visiteur ou un ami lui avait, dans les dernières années de sa vie, offert un autre boomerang, et le boomerang était posé d'ailleurs sur le rebord de la fenêtre le boomerang du salon. Oui, je ne l'ai pas vu jouer avec, œuvrer avec le boomerang, mais l'objet était présent dans la pièce gauche de la maison de Saint-Florent, dans laquelle il recevait rituellement tous ses visiteurs. Oui. Il faudrait peut-être évoquer les vacances à la mer, la forêt initiatrice, toute cette nature finalement qui l'entoure. Oui, c'est la découverte évidemment, c'est Pornichet, c'est la mer, c'est aussi finalement la Bretagne que l'on va retrouver après dans ses deux premiers livres, hein, Au château d'Argol et Un beau ténébreux, même si c'est pas stricto sensu la Bretagne finistérienne qu'il découvrira beaucoup plus tard, dans les débuts des années 30, en se rendant avec son condisciple de l'école normale supérieure, Henri Kefelec, parce que c'est avec lui qu'il va véritablement découvrir Brest. C'est lui qui va lui apprendre la Bretagne. Qui va lui apprendre la Bretagne, enfin les confins de la Bretagne, c'est-à-dire Brest, la presqu'île de Crozon, et c'est là qu'il, dit-on, en consultant un horaire d'autocar, qu'il va trouver le superbe nom d'Argol. Où il n'y a pas de château. Il n'y a absolument pas de château, même si l'expliquer dans un de vos essais. Même si, effectivement, tous les ans, je crois, des visiteurs se promènent à Argol à la recherche d'un château improbable. Non, le château n'existe qu'en littérature. Et autrement, c'est effectivement, et Michelet d'ailleurs, qui dit que finalement Saint-Florent, enfin les Mauges, la Loire font partie aussi du massif armoricain. Donc tout ça compose en même temps un ensemble. Et moi, je dois dire que la lumière un peu mouillée des bords de Loire a quelque chose déjà aussi de la lumière bretonne et de la lumière finistérienne. Et la forêt, bien entendu, extrêmement, extrêmement importante pour lui, et surtout qui sera véritablement la forêt après d'un balcon en forêt, puisque là, il tournera le dos à la mer pour placer l'action de ce récit dans la forêt ardennaise. Ah bah, voilà, évidemment, on parle de géographie quand on parle de Julien Gracq, sujet qu'on abordera encore largement cette semaine. Évidemment, c'est un géographe, c'est aussi un historien. Il a l'agrégation dans les deux matières. Il l'a passé en 1934 après avoir fait son hippocagne au lycée Henri IV. Alors, c'est un professeur, Julien Gracq. Évidemment, on l'oublie. C'est peut-être Louis Poirier, d'ailleurs, qui est le professeur. On l'oublie derrière l'écrivain, mais il a quand même enseigné toute sa vie à la fois l'histoire et la géographie. Est-ce qu'il vous en parlait ? Ah oui, il parlait très très fréquemment de son métier, qu'il exerce jusqu'en 1970. Hein. Il prend sa retraite le 29 juin, je crois, 70, après de 60 ans. Il quitte ses fonctions. Il va tout de suite d'ailleurs aller faire un immense voyage aux États-Unis pour parler du surréalisme, invité dans le Wisconsin. Mais oui, il enseignait l'histoire et la géographie, parce qu'à l'époque, l'agrégation était une agrégation d'histoire et de géographie, même s'il se sentait, au début de sa formation et de sa vie, en particulier sous l'influence d'Emmanuel de Martonne, beaucoup plus géographe. Il avait même pensé écrire une thèse sur la morphologie de la Basse-Normandie. Donc il était véritablement dans l'idée d'écrire sur la géographie. L'âge venant, d'ailleurs, il disait qu'il avait un petit peu tourné le dos à la géographie et qu'il, dans ses lectures en particulier, ou dans ses réflexions, dans ses méditation, il se sentait beaucoup plus historien. Mais l'histoire lui apportait la fiction, et la géographie lui apportait quoi alors ? Mais en même temps, il y a un continuum entre l'histoire et la géographie dans ces livres. Elles sont indémêlables. Le rivage des Sirtes, certes l'histoire ou un esprit de l'histoire y est présent, mais il y a une géographie tout à fait symbolique. Et de la même façon, même si l'ancrage ou l'enracinement ou le socle est absolument réel et géographique, territorial, dans un balcon en forêt, il y a aussi une géographie totalement mythique avec la forêt en particulier, dont vous parliez il y a un instant, qui est bien entendu aussi la forêt de Brocéliande, la forêt de Tristan et Iseult, la forêt de la chevalerie, la forêt des mythes de la Table Ronde, qui avait une extrême importance pour lui. Oui. Alors parmi ses élèves, il y en a un qui est devenu célèbre, c'est Jean-René Huguenin, l'auteur de La Côte sauvage. D'ailleurs, ses élèves, à part Jean-René Huguenin, n'avaient pas tellement de contact avec lui. Il était considéré comme un professeur assez froid. Mais avec Huguenin, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est joué. Oui, une sorte de fascination d'ailleurs de Gracq pour Huguenin. Il en parlait d'ailleurs encore avec une certaine émotion. Moi, je me souviens de ce détail qui est quand même assez étonnant, en particulier de la part d'un professeur. Il me racontait que les camarades de Huguenin se battaient presque au sortir du lycée Claude Bernard pour lui porter son cartable. Mm-hmm. Donc le personnage avait un certain charisme. Et Gracq était très sensible à ces personnages très charismatiques, très présents. On pense bien entendu au porteur d'aigrette, à André Breton. Mais par exemple, le personnage d'Alan dans Un pot ténébreux a exactement aussi cette ampleur, cette étoffe, ce mystère. Il était extrêmement sensible. Tout en disant d'ailleurs que lui-même était quelqu'un de très gris, de très ordinaire, mm-hmm. et qu'on ne le reconnaissait pas. Puis c'est la jeunesse flamboyante aussi. C'est aussi la jeunesse flamboyante. Et le livre, le charme de ce livre, La Côte Sauvage, qui est l'unique livre, l'unique roman de Huguenin qu'il avait beaucoup et sur lequel d'ailleurs il écrit une critique, des pages, quelques lignes, extrêmement touchantes, extrêmement belles. Et de la même façon d'ailleurs, dans la revue Art, je crois, en 58, juste au moment de la publication d'Un balcon en forêt, Huguenin rend visite à Gracq et raconte la visite. Et c'est assez étonnant d'ailleurs quand on lit ce compte rendu parce que ça date de 1958. Moi, je suis allé près de 30 ans plus tard et d'une certaine manière, rien n'avait changé à Saint-Florent. Un balcon en forêt, dont voici un extrait. La guerre brasillait, charbonnait ça et là comme un feu de forêt mal éteint. Une saute de vent, tout à coup, enjambait des centaines de lieues, égarait des flamèches jusque dans les bois perdus de la Carélie. Que pouvait bien signifier une guerre en Finlande ? Très loin, à l'air libre, on sentait que le train du monde continuait distraitement, et les nouvelles n'en semblaient pas très différentes de ce qu'elles étaient d'ordinaire. On s'étonnait même, à la réflexion, de ce que cette guerre fût si habitable. Seulement, cette gesticulation restait muette, comme si on l'eût observée au travers d'un hublot épais. On eût dit que sur le cœur de l'Europe, sur le cœur du monde, était descendue une énorme cloche à plongeurs, et on se sentait pris sous cette cloche, dont l'air mou serrait les tempes et faisait bruire les oreilles d'un bourdonnement léger. Grange, de temps en temps, levait les yeux de ses gazettes pleines d'absence et regardait vers la forêt. Il songeait aux journaux jaunis de 1914, dont il s'amusait parfois, enfant, à feuilleter la collection dans le grenier, tout plein de cette ruée brutale, longuement piaffante derrière la ligne blanche, et lâchée d'un seul coup devant le public, trépignant par le pistolet du starter. D'où pouvait venir que cette guerre-ci touchât le monde d'une pareille maladie de langueur ? Des auteurs sur France Culture. La guerre brasillée, écrit Julien Gracq dans cet extrait d'Un balcon en forêt. C'est vrai que c'est l'expérience qu'il a eue, lui, de la guerre, à savoir l'expérience de la drôle de guerre et l'expérience d'un brasillement qui ne prend jamais feu. Il a été mobilisé en 1939, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a fait la guerre, Philippe Le Guillou, Julien Gracq ? Oui, il fait, d'une certaine manière, il fait la guerre, même si tout s'arrête en 40 et qu'il va être arrêté et interné en Silésie, dont il se réchappera. Je crois que le prologue d'ailleurs d'un beau ténébreux est écrit au cours de cette détention, de cette captivité. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il va après transférer finalement ce décor, parce qu'il ne fait pas la guerre, il fait la guerre dans le Boulonnais, puis ensuite en Flandre. On trouve trace d'ailleurs dans la Flandre hollandaise, par exemple, qui est un très beau texte de Liberté Grande, de ce goût aussi de ces paysages. Mais dans Un balcon en forêt, dont on vient d'entendre un extrait, Un balcon en forêt n'est pas le compte rendu, le récit exact de son expérience guerrière. C'est une transposition. Et c'est une transposition, d'ailleurs c'est très étonnant, parce que c'est une transposition littéraire dès la source, puisque c'est en lisant Les communistes, je crois, d'Aragon, qu'il trouve l'existence de ces maisons fortes, mm-hmm. qui étaient des sortes, je dirais, de maisons forestières, et en même temps qui surmontaient un blocos. Et c'est ça qui va lui donner l'idée, un beau jour d'automne de 1955, de monter vers les Ardennes, de descendre à Monthermé et de marcher dans la forêt ardennaise où il va trouver un vestige, je crois, d'une de ces maisons. Et la transposition, d'ailleurs, est aussi onomastique, puisque le début du récit, c'est la montée, justement, de l'aspirant Grange dans ce paysage. Mais Monthermé devient Moriarmé, et Gracq va aussi s'amuser à changer imperceptiblement tous les noms, les falises, le toit, etc. Donc, ça part en même temps d'une expérience personnelle, une expérience guerrière, transposée en même temps dans la littérature, avec justement cet élément des maisons fortes, qui sont des balcons en forêt, comme finalement il y avait à Pornichet les maisons ou les villas donnant sur la mer, comme à Sion l'océan où il s'installera à la fin de sa vie l'été. Il y a aussi une sorte de balcon, de corniche comme ça sur la mer. Ce sont des avant-postes d'avant-garde qu'il adore et qui sont extrêmement stimulants pour lui, à la fois, je dirais, pour sa rêverie, pour son imagination et dans son œuvre. C'est toujours en même temps l'homme des lisières, l'homme des confins, l'homme des avant-gardes et des postes d'observation. Dans le rivage des Sirtes, on trouve aussi foison de lieux de cet ordre. C'est un livre sur l'ennui, un balcon en forêt aussi? Je ne dirais pas que c'est un livre sur l'ennui, c'est un livre sur l'attente, même si parfois on a un peu galvaudé ce motif de l'attente, tout est attente, on attend, et bon, c'est un petit peu... c'est un livre d'une attente, mais d'une attente dense. C'est pas une attente totalement désœuvrée, même si on est là dans l'ordinaire des jours, et la peinture, par exemple, qui est donnée aussi des hommes d'armes, des soldats qui accompagnent l'aspirant Grange, et qui s'inspire aussi, bien entendu, de l'observation des compagnons, en particulier bretons d'origine, qui étaient avec Gracq dans l'expérience boulonnaise, et parfois un peu dur, montre finalement que ce sont des personnages un peu frustes, un peu rudes, visent manifestement pas des intellectuels. Or, l'aspirant Grange est comme Gracq, c'est un homme de la rêverie, mais c'est aussi un homme des conjectures, c'est un homme qui médite. D'ailleurs, il part, et qu'est-ce qu'il a en Pléiade entre les mains? Le journal de Gide, qui vient de paraître. Donc c'est un lecteur, mais c'est un lecteur qui là va être lecteur d'autres signes, les signes de la forêt, les signes de l'attente, et dans l'attente va apparaître évidemment la mystérieuse et fascinante Mona, une sorte de fée sylvestre. On reviendra peut-être sur la place des femmes ou l'absence des femmes chez Julien Gracq en seconde partie. Avant ce roman, il y en avait eu d'autres. Il y avait eu Le Château d'Argol, écrit d'une seule traite alors qu'il est professeur à Quimper en 1937. Roman d'ailleurs refusé par Gallimard à ce moment-là. Et ensuite, il sera publié, comme tous ceux qui suivront, chez José Corti. Il n'y a finalement que La Pléiade qui sera un éditeur extérieur pour Julien Gracq. Et puis, l'autre grand roman, sans doute le plus célèbre de Gracq, c'est évidemment Le Rivage des Sirtes. Est-ce que on est, avec ce livre-là, dans l'acmé de sa production de fiction, Philippe Le Guillou? Un petit mot sur l'éditeur. Je crois que Gracq, c'est véritablement un homme de la fidélité. On parlait tout à l'heure dans tous les domaines. Oui, la fidélité à des lieux, la fidélité au territoire, au lieu de Saint-Florent, etc. En amitié aussi, mais fidélité aussi à un éditeur, c'est-à-dire José Corti, qui après donc le refus de Gallimard au Château d'Argol, puisque la note de Benjamin Crémieux, qui était lecteur chez Gallimard, était assez dur. Il avait trouvé d'ailleurs très étrangement, très curieusement, que le Château d'Argol avait un côté Charles Dubos. On se demande pourquoi. Mais en tout cas, ça se traduit par un refus. Et donc, le premier livre de Gracq, en décembre 38, au Château d'Argol, va paraître d'une certaine manière à compte d'auteur. La formule pudique, la périphrase, était l'auteur participant aux frais d'édition. Mais très vite, d'ailleurs, avant même la publication d'Un beau ténébreux, Gaston Gallimard va mesurer l'erreur qu'il a commise et va essayer de faire venir Gracq, mais Gracq va rester fidèle à José Corti, et c'est ça qui est extrêmement beau et qui va être finalement, jusqu'à ce que Claude Gallimard, bien après, le reçoive à déjeuner en compagnie de Georges Lambrix et dise à la fin du déjeuner, mais alors on l'a fait cette Pléiade. C'est là que finalement, je crois au début des années 80, que Gracq finalement va entrer à la NRF, dont il disait d'ailleurs très joliment, à la NRF je suis un coopté tardif. La NRF ne voulant pas de lui en 38, mais le récupérant d'une certaine manière dans la bibliothèque de la Pléiade ou dans les années 80. Mais fidélité ou fierté aussi, parce que c'est un personnage fier. Oui. Fier et fidèle, les deux ne sont pas incompatibles à mon avis. En même temps, ce qui est important, vous parliez du Rivage des Sirtes, c'est une forme parfaite du roman gracquien. C'est-à-dire, le roman, il définissait souvent le roman comme un éther romanesque, c'est-à-dire quelque chose de pur, un monde clos, structuré, dans lequel il y a des jeux d'écho, les signes se répondent. Et d'une certaine manière, l'esthétique du rivage des Sirtes est celle-là. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, certains lecteurs trouvent aujourd'hui le rythme un peu languissant, le roman un peu étouffant, parce que les motifs sont extrêmement présents, se répondent. Il n'y a pas une alacrité de l'intrigue ou une allégresse feuilletonesque telle que le lecteur soit emporté dans le rivage des Sirtes. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que s'inspirant un peu de ce modèle-là, dans ce qui aurait dû être le roman suivant, dont on a une ébauche, enfin une version publiée très récemment, Les Terres du couchant, texte qu'il abandonnera, dont il abandonnera l'écriture, je crois que Gracq prend conscience des limites de ce modèle et des limites de son esthétique. Et en 58, avec Un balcon en forêt, il écrit tout autre chose. Et c'est pour ça que Le rivage des Sirtes reste l'apogée du roman gracquien. Peut-être que lui-même savait qu'il avait réalisé là quelque chose qui serait indépassable et oui, qui reste une référence finalement. On sentait d'ailleurs une admiration, je ne sais pas si un écrivain admire ses livres, mais en tout cas aussi une certaine distance critique hein, vis-à-vis du rivage des Sirtes. On avait bien conscience qu'il savait qu'il avait poussé là jusqu'à une sorte de perfection, d'un certain accomplissement, le modèle du roman, de l'éther romanesque, le roman, disait-il, quand il n'est pas songe et mensonge. Et le rivage des Sirtes, c'est un continuum onirique, c'est le roman du songe. Philippe Le Guillou, on va marquer une pause dans cet entretien, le temps de retrouver notre traditionnelle chronique de la mi-émission. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique que nous propose aujourd'hui Jacques Nerson, spécialiste du théâtre pour l'Obs notamment. Bonjour Jacques. Bonjour Mathieu. Et Gracquien devant l'Éternel peut-être? Non, pas vraiment. Ah bon? Non. C'est pas que je n'aime pas du tout, c'est que je ne m'y connais pas assez. C'est trop intelligent pour moi, je pense. Mais vous aimez la géographie, Jacques, donc vous devez aimer, d'une manière ou d'une autre, Julien Gracq. J'aime l'eau qui passe. Bon, vous venez nous parler de théâtre, et en particulier de la pièce de Molière, qui est actuellement en tournée en France dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent, Georges Dandin ou Le mari confondu. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que j'ai été, une fois de plus, parce que c'est pas la première fois que je vois la pièce, sidéré par sa violence et son audace. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'elle ait pu être montée, jouée et même accueillie avec succès, très favorablement, par le roi et aussi par ses courtisans? Mmh. Alors qu'il n'y a pas d'œuvre plus offensive par rapport au privilège. Ouais. C'est une œuvre qui montre qu'une société de castes est nécessairement injuste et produit des injustices. Alors, comment l'expliquer? D'abord, il y a que cette pièce a été représentée au départ avec des intermèdes musicaux de Lully. C'était à l'époque une comédie-ballet. Aujourd'hui, on la représente dépouillée le plus souvent dépouillée de la musique. Donc la musique fait oublier finalement les méchancetés, voilà, les piques envoyées à l'aristocratie. Et puis alors d'autre part, l'aristocratie riait cette espèce de paysan gentilhomme et de son ridicule de nouveau riche et de sa prétention à s'être anobli. On peut rappeler un petit peu l'intrigue. Ben voilà, il s'est marié parce qu'il avait fait fortune et il a voulu accéder à la classe supérieure. Il a acheté une femme, en fait. Voilà, il a acheté Angélique de Sottenville en espérant donc qu'il allait devenir, enfin, il devient d'ailleurs monsieur de la Dandinière. Le problème, c'est que Angélique ne l'aime pas, qu'elle a été mariée contre son gré et qu'elle va le tromper très certainement à la première occasion. D'ailleurs, on voit que ça commence, elle se laisse courtiser, enfin bon. Et là où elle est très maligne, c'est que chaque fois qu'il fait appeler les parents pour leur dire, voyez, son comportement est scandaleux, elle retourne la situation, elle passe pour victime et lui pour un bourreau, un mauvais mari, un mauvais homme, etc. Oui, parce que c'est une comédie où on rit noir, on rit jaune. Terriblement amère comme comédie. Vous vous rendez compte qu'à la fin, ça se termine, enfin, il se propose de se jeter la tête la première dans un puits. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, pour une farce, ça se termine quand même par une parole. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va se suicider vraiment? On n'en sait rien. Mais enfin, c'est bien ça qui est évoqué. Mm-hmm. C'est quand même curieux pour une farce. Et ça passe. Il faudra pratiquement attendre Roger Planchon, qui, je crois, en 1957, va en donner une première version, puis après, il reprendra la pièce avec Claude Brasseur et Zabou. C'est la version que j'ai vue, j'ai pas vu la première, mais où il montrait toute la noirceur, précisément, de la pièce. Dans une esthétique très réaliste, il y avait une ferme sur scène, il y avait des poules, enfin, il y avait de la paille, du bois. Là, Qu'en fait Jean-Pierre Vincent? Jean-Pierre Vincent prend un parti un peu différent, grâce notamment au décor très beau de Jean-Paul Chambaz. Au début, on a vraiment une des cours de Versailles, je crois qu'elle s'appelle la cour carrée, le sol, enfin, et en fait, ça n'est qu'une projection, et petit à petit, ça s'efface. Et de même, Dandin, au début, arrive dans un costume très bourgeois gentilhomme, costume Louis XIV, avec des dentelles, des rubans, etc. Puis petit à petit, il va se dépouiller de tout ça et retrouver sa nature de paysan. C'est un comédien qui a justement beaucoup travaillé chez Planchon, qui s'appelle Vincent Garanger, qui joue le rôle de Dandin, et avec une douleur très grande. Mais en même temps, contrairement à la mise en scène de Planchon, il n'y a pas d'amour entre lui et Angélique. Mmh. Chez Planchon, on se disait, ils auraient pu s'aimer, ils ont essayé de s'aimer, ils ne sont pas loin de s'aimer. Là, il n'en est pas question un instant. Angélique, qui s'appelle Olivia Chatin, la comédienne, reste absolument implacable. Nous irons donc voir Georges Dandin de Molière. Alors, on a que l'embarras du choix. Du 6 au 10 mars, c'est à la MC2 de Grenoble, ensuite au Célestin à Lyon, puis à Sète, puis Narbonne, Marseille, Hérouville-Saint-Clair, Dijon, Besançon, Dunkerque et Bobigny. Merci beaucoup, Jacques Nerson. Merci Mathieu. À bientôt. C'est la Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au premier jour de notre série dédiée à l'auteur du Rivage des Sirtes, Julien Gracq. Pour en parler, je suis en compagnie de l'écrivain et essayiste Philippe Le Guillou. Je n'ai pas fréquenté le groupe surréaliste. C'est un point sur lequel je ne ressentais pas les choses de la même façon que le surréalisme. Le surréalisme a toujours beaucoup mis l'accent sur la valeur du travail collectif. Et même ce qu'il y a de créateur dans le fait d'être en groupe. Il est certain que les jeux surréalistes, même les distractions auxquelles ils se livraient, les jours d'inactivité, étaient toujours extrêmement axés sur la créativité qui sort de l'action collective. Personnellement, je suis, je crois, irréductiblement individualiste. Je ne peux travailler que seul, je n'ai jamais collaboré, et je n'aime pas beaucoup les réunions de groupe. Je ne participais pas aux réunions de groupe, je voyais André Breton seul, avec Elissa. Nous déjeunions, de temps en temps, je ne le voyais pas très très souvent, mais pratiquement pas dans le groupe. La seule occasion où ça se trouvait, c'était lorsqu'il prévoyait une photographie de groupe, souvent. Alors là, il convoquait, il aimait beaucoup les pneumatiques. Et quelquefois, il me convoquait par un pneumatique, je m'y rendais. Il m'est arrivé de collaborer à des publications collectives, à l'occasion d'expositions, deux ou trois fois. Mais je n'assistais pas aux réunions du groupe. C'était donc un surréaliste individualiste que Julien Gracq, on pourrait rajouter communiste aussi, pendant quelques années. Tout cela va-t-il bien ensemble, Philippe Le Guillou ? Oui, je pense que la définition de la position surréaliste de Gracq vient d'être donnée par lui-même, c'est-à-dire un attachement à l'esprit du surréalisme, à ce que portait ce mouvement, à son foisonnement, à sa richesse et aussi à la personnalité, à la personne d'André Breton. Et il parlait d'ailleurs encore à la fin de sa vie des fameux pneumatiques, mais en même temps, Gracq est toujours resté en marge du collectif, comme l'aspirant Grange dans Un balcon en forêt, comme tous ces personnages. Il ne peut pas se fondre dans un groupe. Il ne se fond pas dans un groupe, il ne se fond pas à une collectivité, mais il était quand même indéfectiblement attaché à la personne de Breton. Et du reste, quand il reçoit dans l'hôtel de Quimper où il réside, lorsqu'il est professeur, dès mai, je crois, 38, la lettre de Breton à l'encre verte, qui est donc la lecture, le compte rendu de la lecture que Breton a faite d'Au Château d'Argol, évoquant cela bien plus tard dans les carnets du Grand Chemin, il a un mot très beau, il qualifie cette lettre de brevet de qualification, c'est-à-dire qu'il est reconnu par le grand pape du surréalisme lui-même. Et de la même façon, d'ailleurs c'était très émouvant, il montrait je crois à un certain nombre de ses visiteurs la dernière carte postale qu'il reçoit d'André Breton, excursionnant d'ailleurs dans le Finistère en 1966. C'est une carte qui montrait d'ailleurs au dos le calvaire de Plougastel, et il montrait cette carte. C'était le signe finalement de la présence. Et il dit d'ailleurs finalement, je crois c'est aussi dans les carnets du Grand Chemin, maintenant qu'il est mort, je n'attends plus rien. Enfin, il n'y a pas un écrivain qui va me donner finalement un témoignage, une réaction à la lecture d'un de mes livres. Donc la disparition d'André Breton finalement et la fermeture ou l'extinction de ce pôle magnétique qu'était le 42 rue Fontaine laisse une sorte de vide dans le cœur et dans l'univers de Gracq. Oui, parce que vous avez l'air de dire qu'au fond, c'est Breton qui fait Gracq, qu'il y a une forme de transmutation qui s'opère grâce au médium Breton. Oui, et du reste, par exemple, le livre qu'il publie, André Breton, Quelques aspects d'un écrivain, est un texte magnifique, c'est un superbe portrait de Breton. De la même façon, encore par exemple, dans la préface du Roi Pêcheur, il évoque finalement l'univers arthurien et l'univers de la Table Ronde. Il établit immédiatement un lien, une connexion entre l'univers arthurien et le mouvement surréaliste. Donc il reste très très très attaché à, il définit presque finalement le surréalisme comme une sorte de table ronde contemporaine, avec donc finalement le siège périlleux, la figure aimantée du chef, et évoquant par exemple aussi ses visites à Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot, là où était la maison d'André Breton, et les surréalistes qui se trouvaient là. Et d'ailleurs, je lui avais un jour demandé ce qu'il entendait par surréaliste, parce que dans les années 60, on n'imaginait plus quand même qu'il y eut beaucoup d'écrivains ou de poètes surréalistes à Saint-Cyr-la-Popie. Les surréalistes, pour lui, c'était finalement des hommes ou des femmes qui avaient fait acte de foi dans le surréalisme et qui venaient là, finalement, autour d'André Breton. Donc, en même temps, je crois qu'il était aussi très lucide, aussi, sur les excès, sur le caractère autoritaire. Mais il évoquait ce personnage avec encore une sorte d'admiration, je dirais, inentamée, disant finalement, je l'entends encore me dire, Gracq, André Breton serait venu ici à Saint-Florent, il y aurait immédiatement agglutiné autour de lui dans le café 60 personnes, évoquant donc le pouvoir magnétique de ce personnage. Et comme il évoquait d'ailleurs sur un mode plus mineur, mais le caractère aussi un peu magnétique du personnage de Huguenin. Il était sensible comme ça à cette présence d'un certain nombre d'êtres un peu conducteurs de foudre. Oui, qui lui-même, c'était quelque chose qui lui manquait. Qui lui manquait, de manière très évidente. Je ne crois pas qu'il souffrait, mais c'était quelque chose qui était tout à fait important. Oui. Alors, le côté individualiste, est-il, je reprends ma question, compatible avec les idées communistes du Gracq, au moins avant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'on est là dans quelque chose de très théorique, une politique qui est pour lui très théorique? Théorique et non, parce qu'il va, il milite, il agit, il est à la CGT, il est, je crois, en décembre 38, capable de faire un mois de grève. Il est le seul, d'ailleurs, au lycée de Quimper, et lui supprimera son salaire en lui pendant sa rémunération pendant un mois. Et d'ailleurs, finalement, dès que Saint-Florent sera occupé, les parents détruiront tous les papiers laissés là par leur fils, y compris le manuscrit au château d'Argol, parce qu'ils ne veulent pas trouver trace de son passé communiste. Et c'était étrange. D'ailleurs, il était obsédé par son dossier administratif, ce qu'il pouvait y avoir dedans. Est-ce qu'il était fait mention de... Il allait, par exemple, à Ergué-Gabéric, il le racontait encore, haranguer les employés des papeteries Bolloré en grève. Donc, il a véritablement... Dans les ports de pêche du Guilvinec ou d'Audierne, il s'y était rendu. Et en même temps, son univers, quand on lit en même temps ce qu'il écrit, c'est-à-dire au château d'Argol, on est dans un univers radicalement différent de personnages, et encore dans Un beau ténébreux, de personnages totalement désœuvrés, une sorte de gentry balnéaire. On est aux antipodes de l'univers. Donc, enfin, il va très vite tourner le dos à cet univers, et ce qui évidemment fait qu'il va quitter le Parti communiste, évidemment, c'est la révélation publique du pacte germano-soviétique. Et la solitude, est-ce qu'on ne la retrouve pas quand même dans un certain nombre de ses romans, où certes il peut y avoir des amitiés, mais qui sont souvent des amitiés mutiques? Oui. La solitude, oui, l'individualisme, c'est pas une solitude subie. C'est une solitude voulue, c'est une solitude, c'est un retrait. Il se met en marge, il se retire, comme il le fait du reste dans sa vie. Mais en même temps, c'est une solitude peuplée. Je ne sais comment dire. C'est une solitude attentive. Il regarde, il observe. Il n'est pas complètement dans une sorte de refuge claustral, coupé de toute l'histoire et coupé de toute réalité. Il est attentif. Il est attentif aux signes, aux vibrations. Il écoute, il regarde. Mm-hmm. Et les femmes, alors, parce que c'est officiellement, en tous les cas, quelqu'un qui a été célibataire toute sa vie, qui a vécu donc avec sa sœur les dernières années de sa vie. C'est un sujet sur lequel je ne me prononcerai pas, parce que je sais peu de choses, et que je n'ai pas écrit de biographie de Grac. On sait qu'il y a eu des femmes qui ont, de toute évidence, compté pour lui. Nora Mitrani, par exemple, est un personnage qui a compté pour lui. Mais tout cela, bien entendu, appartient justement à ce monde secret. C'est-à-dire qu'on voit peut-être des apparitions, à la fois avec le personnage de Mona, dans Un balcon en forêt. Est-ce que ce ne sont pas toujours des femmes un peu idéalisées, et du coup un petit peu lointaines? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, parce que si vous lisez, quand on regarde attentivement, par exemple, La Presqu'île, c'est-à-dire le texte central du volume La Presqu'île, publié en 70, ce personnage qui l'attend et qu'il ne verra pas, puisque le personnage féminin n'apparaîtra que finalement à la fin du récit, lequel récit est occupé par la déambulation qu'il fait dans La Presqu'île de Guérande, je crois que c'est véritablement une créature, une femme qui compte pour le narrateur. Donc il a une manière peut-être de présenter les femmes, d'évoquer les femmes, mais elles existent dans son univers, mais bien entendu il y a aussi un voile de secret et de pudeur qui recouvre tout cela. Oui, à tel point que la seule fois où il a évoqué en face de vous la possibilité des femmes, c'était métaphoriquement, en parlant d'un livre, il avait dit, je crois que finalement, les livres, on pouvait les aimer tous chez un écrivain, mais que la plupart du temps, on en aimait un, comme on aime une femme en particulier. Et ça vous a paru très étrange, oui, comme si étrange, un prêtre commençait à vous parler de sa vie intime. Oui, c'était tout à fait... Mais il y avait toujours parce qu'il évoquait un jour, par exemple, je ne sais plus quel critique lui avait rendu visite et lui avait demandé s'il était divorcé ou marié. Il m'avait dit qu'il avait répondu d'un ton sec comme tout le monde, de l'air de dire finalement que c'était une sorte d'avancée sur un territoire privé où finalement on n'avait pas à se poser. Rapproche-toi de moi. Monte le son plus fort. Je veux sentir une dernière fois ton corps contre moi. Je pars en voyage. Tu pars très longtemps. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Julien Gracq avec Philippe Le Guillou. Tout à l'heure, Philippe Le Guillou, on a évoqué Henri Kefelec, figure tutélaire, avec André Breton, peut-être un peu moins, peut-être sur un autre mode. En tout cas, intercesseur pour ce qui fait partie du rapport à la Bretagne. Et justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette patrie allégorique qu'a été pour lui la Bretagne, même si lui ne vivait pas vraiment en Bretagne. Il y a situé ses romans Au château d'Argol, Un beau ténébreux, La Presqu'île et Le roi pêcheur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage qui parle autant à l'écrivain Julien Gracq? Je crois plusieurs choses. D'abord, une sorte de rusticité granitique, minérale. Les pages, par exemple, qu'il consacre à l'évocation de la pointe du Raz, en disant qu'on a finalement derrière soi toute l'ossature de l'Europe et qu'on a l'impression d'être au bout du monde, sont parmi les plus belles. Le tableau de la Bretagne aussi, où il définit la Bretagne comme une province de l'âme. Et en même temps, effectivement, cette interrogation, cette présence de l'ailleurs, qui est toujours extrêmement importante pour lui, peut-être d'ailleurs de la mort aussi, une terre un peu du passage. l'image du mystère. Tous ces éléments sont extrêmement importants. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la Bretagne, par exemple, au château d'Argonne est une Bretagne très rêvée, en même temps revue à la lue dans le historique, dans le moule, enfin médiéval, du roman noir, etc., du roman gothique. Elle était un peu plus réelle, dirais-je, dans Un beau ténébreux et dans la Presqu'île, où on a véritablement la narration presque cadastrale d'une déambulation dans la Presqu'île de Guérande, avec d'ailleurs une grande présence de la poésie. Mais on trouve, par exemple, même dans Les eaux étroites, où il évoque simplement l'Èvre, c'est-à-dire ce petit cours d'eau qui se jette dans la Loire tout près de Saint-Florent, très belle page consacrée et à l'évocation de Quimper, avec le mont Frugis, l'Audet, et Quimper qui est donc la ville de ses débuts dans l'enseignement, et en même temps aussi par exemple de Fougères, et de Roscoff aussi dans les lettrines. Donc il y a une présence comme ça d'un certain nombre de lieux aussi très concrets, très réels de la géographie bretonne. Et en même temps, le rivage des Sirtes n'est pas tellement breton, c'est plutôt un livre méditerranéen, même si évidemment il s'agit de territoires inventés, mais on serait plutôt du côté des lagunes de Venise. Oui, ou de la Libye, on ne sait pas trop les noms d'ailleurs, le Farguestan, Orsena, tous ces noms sont Maremma, évidemment des consonances italiennes, mais c'est un univers totalement là, complètement inventé, totalement onirique. Là, il n'y a aucune trace de Bretagne. Il y a trace finalement peut-être d'un certain univers encore marqué par la forêt et l'eau, qui sont quand même des patrons mythiques extrêmement importants de son univers et de son imaginaire. Et au centre de chacun des romans, il y a un lieu en particulier dans le rivage des Sirtes, c'est la salle la chambre des cartes. La chambre des cartes. Et en même temps, si vous voulez, c'est toujours les romans. D'ailleurs, il y a une sorte aussi de parenté entre le rivage des Sirtes et Un beau ténébreux, c'est-à-dire que le roman va vers un événement qui en fait ne sera jamais écrit, ne sera jamais raconté. C'est-à-dire que normalement, dans l'esprit de Gracq écrivant, disait-il, le rivage des Sirtes, on allait vers une bataille navale dont le récit n'a jamais été fait, n'en a jamais été livré. Et de la même façon, il imagine aussi à la fin ou à un moment d'un balcon en forêt une messe de Noël aux Falises qu'il n'a pas raconté. Donc il y a une sorte comme ça d'interruption du récit avant cet événement, ce qui nous renvoyait à ce que nous disions tout à l'heure sur l'attente, mais une attente quand même habitée, une attente saturée de signes et de moments mystérieux. Alors il y a 10 ans maintenant, presque exactement, que Julien Gracq est mort. Vous vous souvenez de vos conversations avec lui, vous vous souvenez aussi d'un certain nombre de détails, par exemple sa vieille R5 bleue avec laquelle il vous conduisait à la gare. Une fois, parce qu'après il ne conduisait plus, il était tout à fait sage et prudent. Quand même jusqu'à près de 90 ans, il conduisait ça. Oui, tout à fait. Il m'avait accompagné à la gare de Varade, parce qu'il fallait traverser la Loire pour aller jusqu'à la gare de Varade. Il avait d'ailleurs une formule très un peu archaïque et très touchante. D'ailleurs, il disait, vous savez, venu à un certain moment, comme ça, dans la saison, la route entre Saint-Florent et la gare de Varade devient aventureuse. Je n'ai jamais quand même ressenti véritablement l'aventure ou le danger de l'aventure entre Saint-Florent et Varade. Mais la beauté et la majesté du paysage, en particulier quand on traverse les deux bras de la Loire, avec cette île batailleuse, essentielle dans son univers et dans ses rêveries. Vous avez ressenti, en revanche, Philippe Le Guillou, la douceur de vivre en compagnie de Julien Gracq. Oui, c'était des moments tout à fait magiques que j'ai passés avec lui. Assez étonnant d'ailleurs, il y avait cette différence d'âge. Je le vois encore, ou je l'entends encore me évoquer par exemple les lycées ou le lycée Claude Bernard, qu'il avait connu lui uniquement un lycée de garçons. Et me demandant si moi-même j'avais connu ce type d'établissement. Et je lui racontais qu'entré en 6e en 1970, j'avais connu déjà des collèges mixtes. Et c'est là qu'il m'avait dit, ah mais vous n'auriez même jamais été mon élève. Et en même temps, cette distance temporelle s'abolissait dans la conversation, parce que j'étais là un peu comme aussi un auditeur émerveillé, fasciné, je l'écoutais. Et vous ne cherchiez pas des informations? Je n'enregistrais pas, je ne prenais pas de photographies. Les quelques témoignages que j'ai donnés dans les livres, etc., ce sont des choses qui sont revenues sur le mode un petit peu de la remémoration, mais je ne prenais pas de notes, je ne prenais pas de photographies, je n'enregistrais rien. Je crois qu'il était très sensible aussi à cela. Mais il était très... Il aimait aussi raconter, si vous voulez. Et ces après-midi, finalement, c'était un peu un récitant, un auteurs que j'entendais. Par exemple, il était éblouissant quand il racontait la progression, par exemple, de l'armée allemande en mai 1940, avec un luxe de détails. Il racontait, il citait, par exemple, les Olympiques de Monterland, était capable encore de donner les noms des héroïnes, tout en disant, dans son coquetterie, que les mots le fuyaient. Mmh. Très vite, d'ailleurs, les noms propres lui revenaient. Donc, il avait quand même une mémoire assez étincelante. Et la conversation, il y a un art de la conversation qui était extrêmement plaisant. La voix qu'on entend, c'est vraiment la voix aussi de ces entretiens, c'est-à-dire sans effet, de toute façon un peu sourde, un peu neutre, un peu saccadée, mais avec beaucoup d'intensité dans l'échange. Et puis, vous le dites, et c'est plus inattendu pour ceux qui n'ont fait que lire Julien Gracq, vous dites que c'était quelqu'un qui ne manquait pas du tout d'humour et qui pouvait même avoir des conversations réellement comiques. Ah oui, il s'amusait de choses et d'autres, faisait des imitations de personnages qui lui rendaient visite. Non, il avait beaucoup de simplicité et d'humour. C'est pas du tout un personnage, si vous voulez, en pesé et hautain, parce qu'on a toujours l'image comme ça de la phrase gracchienne, corsetée, scintillante. Voilà l'extrait par exemple d'un balcon en forêt que vous citiez tout à l'heure, type même de la phrase gracchienne. Mais Louis Poirier, lui, avait une certaine vivacité, une certaine drôlerie et beaucoup d'humour. Et votre passion pour l'écriture et les œuvres de Gracq, est-ce qu'elle dure toujours? Est-ce qu'elle dure de la même façon aujourd'hui, Philippe? Oui, elle dure. Évidemment, je ne lis pas Julien Gracq tous les jours, mais je suis très... Oui, je suis tout reste évidemment un grand admirateur. Je ne suis pas sûr qu'il ait aujourd'hui la place qu'il avait il y a 10 ans. Mm-hmm. Peut-être qu'il faut toujours un petit purgatoire. Voilà, je ne suis pas certain. Je pense en particulier que voilà, il n'a jamais voulu être édité en livre de poche. Mm-hmm. Il est très hostile à cela parce qu'il restait fidèle à José Corti et à la devise de José Corti, rien de commun. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aurait quelques livres en folio. Ce serait finalement peut-être extrêmement appréciable pour un jeune public qui pourrait le découvrir. Parce qu'aller chez Corti et acheter les volumes de la bibliothèque de la Pléiade, ce n'est pas évident et pour tout le monde. Et découper les pages soi-même aussi. On ne le fait plus. Merci beaucoup Philippe Le Guillou pour ce retour sur la vie de Julien Gracq. De nombreuses discussions que vous avez eues sont à retrouver dans divers de vos ouvrages. Le dernier veilleur de Bretagne, dernière rencontre avec Julien Gracq, paru en 2009 au Mercure de France. À Argol, il n'y a pas de château, paru en 2014 aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, et également fait paraître par ailleurs en 2017 le roman La Sainte au sablier, carnet d'un pèlerin, c'est aux éditions Salvator. Demain, nous serons en compagnie de Michel Murat pour évoquer l'œuvre de Julien Gracq. Mais avant cela, comme chaque jour, un moment de poésie avec Jacques Bonafé. Je ne sais rien de toi, sauf que tu ne vas pas bien et que ton esprit ne se porte guère mieux. Vous êtes deux à rester sourds à cette incroyable langue que se parlent entre eux ta tête et ton ventre lorsque tu préfères ignorer qu'elle est de ton sang et de ta chair. Cette semaine, les Hardis, je vous avais prévenu, nous remontons à 68, ici avec Marcel Moreau dans Le violoncelliste, paru aux éditions de Noël. Lettre non envoyée à un jeune corps n'aimant pas lire et en grand danger de mort dans l'âme. Moi, dit Marcel Moreau, j'allais au livre, mon corps y allait mu par un désir de la même famille, lascive et goulue, que ceux dont mon érection concentrait les effets à l'approche d'une fille s'entrebâillant du déhanché. Chaque citation est une phrase tirée de ce livre qui est plus un roman. Tu ne lis pas, préférant dévorer des yeux les sites d'Internet qui sont les plus habiles à te faire croire qu'après tout, il est bien possible que l'autodafé soit l'avenir de l'intelligence. Tu n'en lis que la force des images et la spectacularité de leur impact sur ta misère sensorielle. Chacune de ces phrases sont issues d'un long texte, le violoncelliste, et à chaque fois j'en tire une phrase. Ce que je lisais, ce n'était pas à proprement parler l'histoire que l'auteur me racontait, mais l'aptitude de ce dernier par le style et la musicalité à m'en administrer le battement vasculaire, organique, génésiaque, à l'origine du vivant. En lisant, je voyais la chair intime des mots avant d'en percevoir le sens évident. Un extrait comme un poème de Ridiculum Vitae de Jean-Pierre Verhaeghen, écrite par Marcel Moreau. Bien des mots ont manqué d'amour. Ça se lit sur leur visage, leur solitude. D'autres ont été aimés pour ce qu'ils n'étaient pas. Ils ont fini dans la vénalité. prostituées par l'usage, on les voit faire le trottoir dans la publicité, les discours politiques, les informations frivoles. Sous les allures de monsieur tout mot porte en lui sa propre histoire, soit comme un roman, soit comme un ressassement. Ça, c'est une vraie profession de foi de Marcel Borroux. Ne pas lire, ne pas aimer lire, c'est-à-dire quand on y songe, ne pas tenter cette aventure de l'extrême qui revient à basculer dans les entrailles du langage afin d'en débusquer cette face inconnue de nous-mêmes dont les rires et les larmes ont la nouveauté d'un tragique projetant le brouillon ténébreux de nos origines dans la foulée de la première aurore venue. N'est-ce pas d'une certaine façon nous priver de cet insigne maelstrom d'être soi dont j'aimerais qu'il détrônât une fois pour toutes, dans l'ordre des reconquêtes de nos vivacités d'avant, leur rationalisation, voire plus simplement, des recherches d'un sens à la vie, le recours au fameux orage désiré en perte de foudroyance. Merci Jacques Bonafé. À l'occasion du Printemps des Poètes, vous consacrez cette semaine au Hardi de mai 68 et aujourd'hui en particulier au poème de Marcel Moreau.